Vous l'avez demandé et nous avons écouté. Les prix employés Ford sont de retour. Vous payez ce qu'un employé de Ford Canada paie sur la plupart des nouveaux modèles Ford 2020, la marque automobile la plus vendue au pays. Faites l'expérience de technologies innovatrices et d'un style accrocheur sur les plus récents véhicules 2020 à un prix que vous voudrez partager à tous vos amis. C'est le temps des prix employés Ford. Visitez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien, Robertval et Chibougamau et profitez de ses offres exceptionnelles. Jean-Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de football collégial avec notre ami Wallet. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, c'est pas, évidemment, c'est pas une année comme une autre. Donc, mais avant de commencer les parler des matchs, puis qu'est-ce qu'il faut surveiller, on va parler un peu des nouveautés récemment, donc des nouvelles récemment concernant le NCAA. Donald Trump a sorti cette semaine et a demandé au président du Big Ten d'avoir une saison. Puis les dernières rumeurs que je lisais, c'est que ça pourrait commencer au Thanksgiving américain, qui serait à peu près quelque part comme fin novembre. Ouais. C'est ça que t'as... Moi, j'ai lu encore cette semaine qu'il y a des discussions, ça pourrait même commencer la première semaine d'octobre, donc mes du 3 octobre ou du 10 octobre. Les dernières rumeurs que j'ai entendues, puis ça c'était aussi récent là, qu'hier en date du 3 septembre, c'est que les dirigeants de la Big Ten étaient pour se rencontrer en fin de semaine par conférence téléphonique naturellement. Puis il y a des rumeurs comme quoi que la saison commencerait là, à la début octobre pour justement être en mesure de jouer une saison de 10 matchs comme les autres conférences, puis d'être éligible aux éliminatoires là, en fin de saison. Évidemment, tu as eu t'as eu beaucoup de pression de la part des joueurs. Il y a eu des pétitions faites. Évidemment, celui-là qui est en lutte avec Trevor Lawrence, le carrière de Ohio State, certainement que lui, il filait pas pour qu'il n'y ait pas de saison. Là. Non, effectivement. Ça a dû mettre de la pression. Puis j'ai vu une pétition qui a signé de la part des parents également. Donc, puis je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence entre la Big Ten puis la Pac-12. Du coup, comme tu viens de le mentionner, la Big Ten, tu as des joueurs qui font des pétitions, tu as des parents qui vont faire des protestations devant les bureaux de la Big Ten. Donc, tu as beaucoup de gens qui mettent de la pression, qui veulent du football de la Big Ten. Puis à l'opposé, la Pac-12, il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a personne vraiment qui essaie de s'opposer à la décision qui a été prise de canceller la saison. Donc, je le dis souvent, là, je l'écris souvent aussi dans mes articles, la Big Ten, selon moi, est de loin la deuxième meilleure conférence au pays après la SEC. Surtout cette année, quand tu as une équipe comme Ohio State, qui, selon moi, est une équipe aussi bonne qu'il l'était l'an dernier, sinon meilleure. Puis, tu as Penn State dans l'équation, tu as Nebraska, puis, tu as Wisconsin aussi, là, qui ont pas une mauvaise équipe. Donc, c'est une conférence qu'on veut voir jouer, c'est une conférence qu'on sait qu'ils vont envoyer une équipe en éliminatoire. Donc, je pense que pour le bien-être de beaucoup de gens, ça serait une bonne chose qu'ils soient de retour. Est-ce que le fait qu'Oregon, Stanford, USC, c'était des équipes par le passé qui étaient dans le top 25, et, est-ce que ça là, on a... Je pense pas qu'il y aurait certainement que ce serait aligné vers le top 25, mais c'est pas des, il n'y a pas de super de gros prospects. Est-ce que ça a dû peser dans la balance? Ben, je te dirais que en ce qui a trait la Pac-12, là, c'est vraiment difficile de savoir c'est quoi leur pensée derrière tout ça. Je pense que si on regarde en général, puis je veux pas tomber dans des sujets hors football, parce que je suis là pour parler de football avec toi, Danny, mais quand on regarde la politique dans ces États-là, c'est beaucoup plus restreint au niveau du coronavirus puis toutes les restrictions qu'il y a. Ouais. Donc, quand il y a des universités qui sont fermées, c'est difficile d'avoir du football, donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on voit pas grand chose se passer. Mais ça va être intéressant, puis on en a parlé la dernière fois, Danny. Est-ce que dans 3 mois d'ici, on va dire la Pac-12, ils ont bien fait parce que tous les autres joueurs qui ont joué sont tous infectés du COVID, puis la saison a été cancellée? Ou on va se dire la Pac-12, ils ont pris des décisions trop vite, puis regarde, les 4 autres grosses conférences ont été en mesure de jouer puis d'avoir une saison complète. L'avenir nous le dira, puis ça va être intéressant à suivre, mais regarde, en bout de ligne, on a du football en ce moment. Puis, nouvelle positive, la semaine dernière, il y a eu un match de division 2 entre, j'oublie les noms des équipes, je pense que c'était Central Arkansas puis Austin Peay. Puis, il n'y a aucun joueur après le match qui ont testé positif au virus. Donc, deux pouces en l'air. On continue la saison. On espère que ça, on va continuer des nouvelles positives comme ça dans les prochaines semaines. Puis, qu'on va être capable d'avoir une saison différente, mais complète. Ouais, donc, on parle évidemment de matchs interdivision, là, donc, qui serait certainement là, pour une saison de 10 matchs. Il y a des matchs en fin de semaine dans le. Il y a quelques matchs en fin de semaine, donc. Qui aura lieu. Donc, Kentucky contre Marshall à 13h, c'est sur. Ben moi, je l'ai sur ESPN, donc c'est sûrement sur TSN également. Et tu as également SMU contre État du Texas. Et ensuite de ça, mais le match peut-être à voir, c'est lundi soir, BYU contre la Marine. Est-ce que c'est un match qui pourrait être intéressant? Oui, ben, pour les intéressés, le Navy qui va se déplacer. Non, pardon, le match est joué à Navy. Donc, BYU se déplace. BYU qui vont jouer seulement 9 matchs dans leur calendrier parce qu'ils sont indépendants et ont été capables de mettre quelques matchs à leur horaire. Donc, ça va être intéressant, là, l'attaque aérienne de BYU était bonne l'an dernier, surtout avec le retour de leur corps arrière, Zach Wilson. Ça devrait être un bon match. Là, on le sait, Navy, c'est une équipe qui aime ça, jouer au sol, qui a beaucoup de temps de possession de ballon. Donc, à l'opposé, tu as BYU qui, eux, aiment lancer le ballon. Donc, c'est un peu un clash entre deux styles d'offensive différents. Puis, je pense qu'après 8 mois de sans college football, dont 5 à 6 mois d'incertitude, il y a beaucoup de gens qui vont juste être heureux de s'asseoir et regarder un match de college football lundi soir ou même en fin de semaine, le samedi, avec 3 matchs qui sont présentés là, sur TSN. Toujours pas de spectateurs, hein? Je ne sais pas pour ces matchs-là, mais certaines universités ont déjà annoncé qu'on devrait avoir quelques milliers de spectateurs, là, entre 15 à 20 % là, de la capacité du stade. Hier soir, il y avait un match en Alabama, puis je pense qu'il y avait peut-être quelques milliers de personnes là, dans les estrades, toutes séparées naturellement. Donc, au moins on peut voir la lumière au bout du tunnel, ça commence, puis... Tout dépend de ce qui va se passer dans les prochains mois avec le nombre de résultats, le nombre de tests positifs. Ben, peut-être qu'on va terminer l'année avec des stades qui vont être à moitié pleins, même plus. Donc, on va se croiser les doigts, on va continuer à avoir des pensées positives, puis on va espérer pour le mieux. Ouais, effectivement. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Wallet, on se reparle évidemment la semaine prochaine. On va faire des analyses plus approfondies avec la SEC et le Big Ten commence, des équipes. Parfait, ça, puis si tu veux faire des prédictions, ben on se lancera dans les prédictions, on se mouillera un peu avant le début de la saison. Ouais, ça commence le 26 septembre, la SEC. Donc, La SEC, le 26 septembre, puis sinon, ben, la semaine prochaine, on a la Big Ten et la Big 12, pardon, la ACC, puis la Big 12 qui commence, donc okay, on va pouvoir parler de plus. Donc là, ça va être meilleur, là, pas mal. Ouais, là, on va avoir des programmes du top 25 qui vont s'affronter, donc oui, ça va être intéressant. OK, donc Wallet du site NFL, Bits NFL.